Section 18 de La grammaire de Mademoiselle Lily par Jean Massé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. 18. La préposition. On veut passer à la préposition, mais cela devient trop long. Mademoiselle Lily ne tient plus en place. Elle trotte à travers la chambre, se cache derrière le rideau, fait des petites mines devant le miroir, va chercher les papiers qui sont sur la table, demande à sa maman de jouer avec elle. Son papa, qui entre là-dessus, demande grâce pour elle. À travers, derrière, devant, sur, à, de, avec, pour, tous ces mots-là sont des prépositions. Si Mademoiselle Lily avait eu un peu de patience, on lui aurait montré qu'il y avait aussi une préposition dans sa phrase. Il y en avait même deux. Pendant toute la journée et pour contenter. Les prépositions, qui font peur aux petites filles, sont pourtant des mots bien utiles. On les place devant les autres mots, c'est de là que vient leur nom, pour marquer les rapports qui existent entre eux et ceux qui les précèdent. Quand on dit « Lily est la petite fille de papa », de, ce petit mot de rien du tout, marque le rapport qui existe entre fille et papa. Ce rapport-là, c'est que Lily appartient à son papa. Fin de la section 18, enregistrée par Ezoa, en Belgique, en mars 2021.